Chapitre 18e. Pendant les 7 années qui suivirent, Jesse et Alice se plongèrent à corps perdu dans le travail. Jesse fit si bien prospérer sa banque grâce à ses investissements qu'il acheta des quartiers entiers d'habitations, des magasins et même quelques usines. Avec Mike, qui était venu les rejoindre, ils géraient le tout avec fermeté, habileté, mais aussi avec indulgence et gentillesse. Ils étaient aimés de leurs employés et ouvriers. Alice, quant à elle, s'occupait de cette grande et si belle bâtisse, devenue son refuge, et surtout des jumeaux, Joyce et Jordan. Les petits diables étaient aussi intelligents que leurs parents, mais surtout aussi turbulents que leurs grands-parents. L'année passée, en 1893, ils avaient tous fait le grand voyage. Jessie fut troublée de voir Patrick, son père, si affaibli, les cheveux tout blancs. Cet homme, toujours si plein d'énergie, se plaisait désormais à faire tous les jours le tour de sa propriété en calèche et finir la journée dans son fauteuil sur la véranda. Ils avaient été si contents de se retrouver qu'ils auraient bien fait traîner ces vacances plus d'un an. Hélas, leurs obligations respectives les réclamaient à cors et à cris, et il fallut repartir encore une fois. Josh et Claire avaient accompagné seuls Jesse et Alice et leurs enfants au bateau. Ils laissaient leurs jumeaux, James et Jessica, à la garde de l'arme de pluie, toujours aussi alerte. « Jesse, fit Josh, si j'ai voulu vous accompagner, c'est pour te parler de père. »« Je sais ce que tu en penses, répondit Jesse à son frère. Je suis de ton avis. Je ne reverrai pas papa vivant. Il faudra m'avertir immédiatement, Josh. Je ferai le voyage pour maman. » C'est promis, mon frère. Je voulais seulement que tu le saches, car ce sera un peu moins perturbant, même si c'est toujours aussi pénible. Faites un bon voyage et que Dieu vous protège tous. L'année suivante, en 1894, un soir que le soleil se couchait sur l'horizon, faisant flamboyer les cultures, Patrick, dans un fauteuil, parlait avec Bison Ardent. Tu te souviens de cette année-là? Nous mourions presque de froid. Surtout vous dans vos Hogan. Si je m'en souviens, tu nous as assez rabâchés que construire des maisons nous serait plus salutaire. Enfin, tu avais raison, comme à chaque fois. Bison Ardent s'étrangla presque, ce qui fit glousser Patrick qui reprit. Et pour le pétrole, qui avait raison aussi? Regarde à présent où nous en sommes. Nous pourrions acheter la ville de New York et peut-être tout le Texas et même plus. C'est vrai. Bien que j'aie quelque mal à l'admettre, tu es un homme non seulement chanceux, mais qui en plus a du flair. Enfin, nous avons fait notre temps, mon frère. Je suis si las. Nos enfants ont réussi, et leurs enfants sont beaux et intelligents. Ils prendront la relève de leurs parents. Je pense, mon vieil ami, que nous avons fait du bon travail. Je ne t'ai jamais assez remercié pour tout ce que tu avais fait pour moi. Bison Ardent secoua la tête et voulut prendre la parole, mais Patrick fut plus prompt. « Attends, permets-moi de finir. Tu as été pour moi à tout à la fois un frère, un ami, un beau frère et celui qui m'avait sauvé la vie. Je te dois tout, Bison Ardent. De tout mon cœur, merci. Allons, il faut arrêter de parler du passé, et d'ailleurs, si c'était à refaire, ben je le referais, dit-il en éclatant de rire. « Ma sœur est très heureuse avec toi et tu as fait énormément de bien à mon peuple. Ce serait plutôt à moi de te remercier. »« Eh bien, voilà qui est fait, mon frère. » Entre ses mains, à présent décharnées par la vieillesse, il tendit un grand livre à son frère indien. « Voilà, dans ce recueil où j'ai mis un point d'honneur à relater chaque jour les événements de ma petite vie si bien remplie, il y a aussi notre histoire ainsi que celle de toute ma famille. » J'aimerais que tu le conserves précieusement et le remettes à mon fils en France quand je serai parti. T'inquiète pas, j'en ai fait faire une copie pour Josh ici. J'aimerais assez que les générations Emerson futures puissent le perpétuer. De plus, s'il m'arrivait de partir avant l'arme de pluie, j'aimerais que tu prennes soin d'elle et que tu lui dises combien je l'ai aimée. Tu feras ça pour moi? Certainement. Mais nous n'en sommes pas encore là, bien heureusement. Bison Ardent alluma une cigarette et contempla pendant un long moment de silence la propriété Emerson, se disant que ce diable d'homme était vraiment quelqu'un de bien. En entendant soudain la voix de larmes de pluie annonçant que le souper était servi, il se pencha vers Patrick qui s'était assoupi et le secoua doucement. Hé, hey, marmotte, à table, tu dormiras plus tard. Mais la réponse se faisant attendre, Bison Ardent secoua Patrick plus énergiquement. Mais enfin, mon frère, que fais-tu de tes nuits? Allez, réveille-toi, ou ta femme va venir te tirer les oreilles. Patrick? Patrick! C'est à cet instant que Bison Ardent comprit que jamais plus son frère chien hurlant lui répondrait. Deux grosses larmes coulèrent sur son visage, et réprimant les sanglots qui lui montaient de la poitrine, il avança à la rencontre de sa sœur, qu'il prit dans ses bras et serra à l'étouffer. Tout le peuple navarro pleurait. L'arme de pluie dans les bras de Josh pouvait à peine marcher. Ils construisirent un beau monument en bordure de la propriété, à côté de la source où tout avait commencé. La cérémonie mortuaire dura 2 semaines. Pour la circonstance, Œil de la Nuit ainsi que la sœur de l'arme de pluie, Perle de Lune, firent le voyage du Nouveau-Mexique pour se recueillir sur sa sépulture et lui rendre ainsi un dernier hommage. Au bout de quelques jours, seul, Bison Ardent réussit à convaincre l'arme de pluie de rentrer au ranch. Elle restait néanmoins prostrée, ne s'occupant pas de la maison, ne faisant plus les repas. Bison Ardent, lui, tournait comme un fauve en cage dans cette grande demeure qui à présent semblait si vide. Josh et Claire avaient emménagé près de leur mère et les jumeaux, si turbulents habituellement, étaient si calmes que cela devenait à peine supportable. En France, Alice reçut le télégramme alors que Jessie s'était déjà rendue à son travail. Elle descendit lentement les escaliers, des larmes plein les yeux, et s'approcha du bureau de son époux. Lorsqu'elle ouvrit la porte, Jessie, levant la tête de ses livres de comptes, comprit immédiatement. Une sourde douleur s'empara de lui. « Ainsi c'est terminé. Il va tellement manquer, » dit-il dans un sanglot. « Je vais devoir faire le voyage, ma douce. Nous ferons ce voyage tous ensemble. Nous irons tous dire un dernier au revoir à ton père, Jessie. Je l'aimais beaucoup. » Oui, tout le monde l'aimait. Puis baissant la tête, « Dieu que c'est dur de perdre un être cher !» Ils arrivèrent au ranch 2 mois plus tard. Mike assuma le travail de la banque en l'absence de Jessie. Ce dernier pensait pouvoir rester ainsi avec sa mère un peu plus longtemps. Quelle ne fut pas sa surprise en arrivant au ranch de voir l'arme de pluie régentant tout ce petit monde énergiquement, ne semblant pas réellement touchée par le décès de son mari. Jessie finit par s'en ouvrir à Bison Ardent. « Ne juge pas ta mère sur les apparences, mon neveu. Elle a tant souffert, comme nous tous d'ailleurs, nous étions devenus des zombies. Elle a repris les choses en main et en s'affairant ainsi, elle essaie d'oublier le chagrin qui la ronge. Ce qui n'empêche pas que tous les jours, elle va se recueillir sur la tombe de ton père, et que toutes les nuits, elle pleure et geint à fendre l'âme. Je comprends. » Je n'aurais peut-être pas eu moi-même autant de courage qu'elle. La vie reprit peu à peu ses droits au ranch, sans évidemment que la famille n'oublie la terrible tragédie. Jessie aidait son frère et son oncle dans leur travail, jusqu'au jour où l'arme de pluie décida de parler à son fils. « Jessie, mon enfant, il faut que tu repartes. Tu ne peux pas rester ici indéfiniment. Ton père ne l'aurait pas voulu. Tu as des obligations ailleurs, ne l'oublie pas. Mais si cela peut te rassurer, j'en parlerai à ton père. À chaque fois que je vais sur sa tombe, nous avons de longues discussions. Je lui ferai part de ton amour pour lui, rassure-toi. Il faut vous préparer maintenant. Cela fait presque 6 mois que vous êtes ici. Mais peut-être n'as-tu plus envie de retourner en France ? J'aime la France, mère, et j'aime mon travail. Je crois d'ailleurs que je le fais bien, mais alors c'est parfait. Comme tu as pu te rendre compte ici, tout va bien. Nous avons pu surmonter la terrible douleur, et la vie ainsi que le travail ont repris leur cours. Jessie, ne crois surtout pas que je te chasse, mon fils, tu es ma chair et celle de ton père, et je vous aime, toi et ton frère, plus que tout au monde. Mais ici, tu te fais du mal. Tu travailles, bien sûr, mais tu es souvent du côté de la source. Cela en devient même une habitude. Quand quelqu'un demande où est Jessie, automatiquement quelqu'un d'autre lui répond « à la source ». Tu comprends, mon fils ? Tu es en train de te laisser aller à ton chagrin, et si tu le laisses faire, il va te ronger. prendre le dessus sur ta volonté, et ensuite... Tu as raison, maman, mais te laisser seule ici. Je ne suis pas seule. J'ai mon cher frère, ton frère Josh, sa femme, les enfants. Et enfin, je suis entourée de tout mon peuple. Tu peux partir tranquille. Tout mon amour t'accompagnera, sois-en sûre. Pense à ta banque et ressaisis-toi. Ton père était si fier de toi. Ne lui fais pas l'offense à présent de le déshonorer. Et toi, mère, tu te sens comment? Moi, sans ton père, je t'avoue que ma vie est terminée. Je vais aller jusqu'au bout de mon souffle, jusqu'à ce que le grand esprit ait pitié de moi et me rappelle à lui. Mais ton frère et toi, vous êtes jeunes et vous avez charge de famille. N'oubliez jamais ce que votre père vous a inculqué. Gardez-le précieusement et surtout, transmettez-le à vos enfants. Nous pourrons ainsi partir l'esprit tranquille. Rappelle-toi, mon fils, la mort n'est pas une fin, au contraire. Un recommencement.